Ashikatui. Oh, yemeseo. Mese wu me lobo bo na kwe ba shi mese ampe so Enjoy ye ye mese wu ne show Ne haka we kwe shi Mase wu jete lo na kwe ba shi ha ye ye ye ye ye ye ye Enjoy ye ye mese wu ne sa So la lo hasho nebo A wazi ama nubo nye Kwe pya ma bubo Mba ma bubo Ema li ama wife ha o melaye atan kami papa sabate me kwanye mo baje yo alo e me mejimo jimelaye me bombe me mala. Chantal, Ngesa, Ami, Eric, Frankie, Laurie, sans oublier Petit Toupé, vous êtes les témoins d'un voyage sur le pont des Amants. Laissez couler, laissez couler, laissez couler. Avec le Seigneur, le grand Adamo, c'est parti. Ambiance, ambiance, ambiance, au trac côtier, au trac côtier, avec Christophe. C'est parti comme ça. C'est la bombe, mais. Thank you. Amanu kwejuku kanesa. Amanu kwejuku kanesha. Juku abujula. Keuke babu sabi bien. E maza wihanesa. E maza wihanesha. We ma belo, we no bakuha ye ye o. We'll be right back. pedasi please. Thank you. ye yana sao kwa longwe pa mama kwa she akwa upe umpia o masa chuo ye angilions me kumo ba je miteo mindo wanja ko wo she wo she aso ya pito za mene buna sa jitilo apisha galwa ke yo le mwa kwa wakandu menya oye mbo koma michel mele buna sa mimiao. Oh, I'm a go eho. Hey, yeah, yeah, myself. Kwa longwe pa. Kwa she. Akwa ube unvia. Kuma se chuo ye. Angilions mele buna se melo. Mundo wa joko uo. She wo she. Aswa ya pi jose mele buna se jitilo. Apisha ka lwa ke yo le kwa. Kwa waka numenya oye. Mbo kuma michel mele buna se melo. Oh! Oh! Sami Latte! Si tu es maîtresse, Cherie, la tu es jolie. Oh.